La menace est-elle réelle? Elle est en tout cas prise au sérieux. 20 000 hommes supplémentaires vont être affectés à la sécurité et le budget total des mesures de protection va friser le milliard d'euros alors qu'il n'avait été que de 650 millions à Sydney en l'an 2000. Je veux parler, bien sûr, des Jeux Olympiques d'Athènes qui vont s'ouvrir au mois d'août prochain. Car en dehors même du contexte international troublé, Irak, Afghanistan, Palestine, les Grecs ont soudain découvert le 5 mai dernier qu'ils n'en avaient pas fini avec le terrorisme. Ce jour-là, trois bombes ont explosé près d'un commissariat d'Athènes. Un attentat qui a fait peu de dégâts, mais qui a réveillé la hantise du terrorisme dans l'opinion grecque. Pendant un quart de siècle, en effet, plusieurs groupes radicaux ont tué ou posé des bombes en Grèce. Jusqu'à l'arrestation en 2002 des dirigeants de l'organisation la plus importante et la plus mystérieuse, celle en tout cas qui avait fait parler le plus d'elle, le mouvement du 17 novembre. Aussitôt après l'attentat du 5 mai, un nouveau groupe, Lutte Révolutionnaire, a revendiqué cette action violente et publié un communiqué rédigé dans un style que n'auraient pas renié les dirigeants d'Action Directe, des Brigades Rouges italiennes ou de la fraction Armée Rouge allemande. Je cite. Tous les responsables du capital international, les assassins mercenaires planétaires, les responsables gouvernementaux ainsi que les riches touristes occidentaux qui prévoient d'assister aux Jeux sont indésirables. La transformation de la Grèce en forteresse, l'appel à l'OTAN, la présence de services secrets étrangers montrent de la manière la plus claire possible qu'il ne s'agit pas d'une célébration, comme disent les organisateurs des JO, mais d'une guerre. Bref, l'avertissement semble clair et paraît donner raison à tous ceux qui pensent que les autorités grecques ont peut-être été vite en besogne en pensant que la décapitation du mouvement du 17 novembre avait mis fin au terrorisme dans le pays. Et d'abord, parce que le procès qui a suivi en 2003 n'a aucunement dissipé le mystère qui plane autour de cette organisation responsable de dizaines d'attentats et d'une bonne vingtaine de meurtres. Dans un instant, M. X essaie d'y voir plus clair. Il faut d'abord souligner un point très important. En Allemagne, en Italie, en France, les autorités ont réussi à démanteler les organisations terroristes qui sévissaient sur leur territoire et qui étaient nées dans les années 70. Rien de tout cela en Grèce. Jusqu'au début de ce siècle, le mouvement du 17 novembre continuait à frapper, semblait intouchable, ce qui alimentait bien sûr tous les soupçons et toutes les rumeurs. D'abord, pourquoi cette appellation Le 17 novembre 1973, pendant la dictature militaire, donc, l'armée avait brutalement réprimé une révolte des étudiants grecs de l'école polytechnique. Il y avait eu au moins une trentaine de morts. Ah oui, c'est donc en souvenir de ce massacre que ce mouvement s'est appelé ainsi. Oui, oui. Et quand se manifeste-t-il pour la première fois? En décembre 1975. Alors que la démocratie vient d'être rétablie en Grèce. C'est exact, hein, c'est oui. Cette année-là, donc, un citoyen américain, Richard Welch, tombe sous les balles d'un commando de trois tueurs. Qui était ce Welch-là? C'était le chef d'antenne de la CIA à Athènes. Et en l'assassinant, le mouvement du 17 novembre entend punir les États-Unis qui, nous en avons déjà parlé, ont longtemps été les plus fermes soutiens des dictateurs militaires grecs. Mmh. Oui, la CIA a aussi été associé à la préparation du putsch des colonels. Incontestablement, en particulier à travers la branche grecque de l'organisation Gladio, la Toison Rouge. Est-ce que ce mouvement du 17 novembre revendique tout de suite ce meurtre? Oui, mais c'est très curieux. D'abord, une organisation inconnue, l'Union des officiers pour l'idée nationale, affirme avoir assassiné Welch. Ça ne paraît pas sérieux. Ensuite, quelques journaux grecs reçoivent une feuille de revendication frappée d'une étoile rouge à cinq branches. Oui, un sigle déjà utilisé par d'autres organisations révolutionnaires, non? C'est juste. Dans ce communiqué, l'organisation révolutionnaire du 17 novembre, comme elle s'appelle, accuse violemment les États-Unis d'être l'ennemi numéro un du peuple et d'être responsable de décennies d'humiliations, de calamités et de crimes innombrables vis-à-vis du peuple grec. Mmh. Oui, ça, c'est un langage caractéristique des mouvements gauchistes de l'époque. Qui se déclarent tous anti-impérialistes, oui. Mmh. Mais les journalistes grecs qui ont reçu ce tract ne sont pas persuadés que cette prétendue organisation du 17 novembre existe vraiment. Et n'y attachent aucune importance. Alors, si je vous comprends bien, le 17 novembre a raté sa naissance. En effet. Et paradoxalement, c'est à Paris qu'on authentifiera cette revendication. Une histoire étrange. Mais je vous écoute, là, qu'est-ce que... Quelques temps après l'assassinat de Welch, Jean-Paul Sartre appelle la direction du journal Libération. Libération, qui est alors, il faut le rappeler, un quotidien gauchiste, dont l'un des fondateurs est justement Jean-Paul Sartre. Et l'un de ses premiers coups d'éclat a été la publication en janvier 1976 d'une liste de responsables de la CIA en Europe. Une affaire qui avait bien embarrassé la centrale américaine. Ouais, ça se comprend, ça. Mais et comment le journal a-t-il pu se procurer cette liste-là? Certainement grâce à un défecteur de la CIA, un certain Philippe Adjie. Et cette publication associée à l'assassinat de Welch était un coup dur pour l'agence américaine. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux faits, là? Welch, je vous le rappelle, a été tué avant. Mais d'autres journaux européens avaient précédé Libération. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir à ce coup de téléphone de Sartre. Au journal Libération. Mmh. Que dit-il, hein? Il annonce qu'il détient un document important pour le journal qui lui a été apporté par une personne de confiance. Quoi? Il ne donne bien sûr aucun détail au téléphone et un journaliste rentre chez lui et prend connaissance du fameux document. C'est un texte de revendication de l'assassinat de Welch par ce mystérieux mouvement du 17 novembre. Un texte très précis, avec des détails sur les circonstances du meurtre. Bref, un texte qui ne peut laisser aucun doute sur le sérieux de ses auteurs et son authenticité. Donc Libération publie ce document? Non. Ah, pourquoi? Les journalistes ont des scrupules. Ah, c'est-à-dire peur d'apparaître comme des complices ou des laudateurs d'un assassinat? Je le pense, oui. Et il se passe presque un an. Et soudain, après l'assassinat d'un ancien directeur de la police politique sous la dictature des colonels, le journal reçoit directement par courrier la revendication du mouvement du 17 novembre. Et cette fois-ci, Libération décide la publication. Alors pourquoi cette décision en contradiction parfaite avec la première réaction des dirigeants du journal? Écoutez, il faudrait le demander à Serge Joly. Oui. Enfin, mais je pense que ça s'explique facilement. Ce deuxième assassinat est plus nettement politique. Les types du 17 novembre accusent clairement le gouvernement grec de ne pas avoir fait le ménage après le rétablissement de la démocratie. Ouais, donc de ne pas avoir épuré tous les gens qui avaient collaboré avec la dictature. Et en particulier ce type qui avait été un tortionnaire. Et notez-le bien, cette deuxième action violente du 17 novembre est plutôt accueillie avec faveur par l'opinion publique grecque qui estime aussi que trop de gens compromis sont passés à travers les mailles du filet. Mais on va y revenir naturellement. Ce que je veux simplement ajouter pour en finir avec cette histoire de Libération, c'est que la CIA sera très longtemps convaincue que certains journalistes de ce quotidien étaient liés au mouvement du 17 novembre. Alors que, si je vous ai bien entendu, enfin, si quelqu'un avait eu des rapports avec le 17 novembre, c'était Sartre. Quelqu'un de son entourage, ce qui est bien plus probable. D'autant, vous le verrez un peu plus tard, que les militants du 17 novembre connaissaient très bien la France. Et c'était peut-être même connu en France. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je l'attendais, celle-là. C'est pour ça que je ne voulais pas vous décevoir. Mais enfin, trêve de plaisanterie, continuons. Quelques mois après l'exécution de cet ancien directeur de la police politique, on en sait un peu plus sur ce mystérieux 17 novembre. Dans un gros document rendu public, le mouvement présente lui-même son programme. Marxiste, révolutionnaire, le 17 novembre affirme que la transition vers le socialisme ne peut s'effectuer que par l'action violente. Oui, il en a déjà donné quelques preuves. Effectivement, d'autre part, le 17 novembre se veut en rupture avec tous les autres partis politiques grecs, y compris le parti communiste qui joue le jeu de la réconciliation nationale. Par conséquent, ces révolutionnaires vont s'attaquer aux Américains et aux membres de l'ancienne dictature, mais aussi à tous ceux qui soutiennent le gouvernement de droite présidé par Constantin Karamanlis. Et il passe à l'acte? Oui. Plusieurs anciens responsables de la junte sont exécutés. Souvent, ce sont des tueurs à moto qui interviennent. Puis suit, au début des années 80, une courte période d'accalmie. Ah bon, mais pourquoi? On ne le sait pas. On peut simplement imaginer qu'il y a eu à ce moment-là un renouvellement des militants. Les premiers, les membres fondateurs, si je puis dire, étaient sans doute tous des vétérans de la lutte contre la dictature. Oui, ils se sont lassés. Peut-être. Et puis, il y a eu l'arrivée au pouvoir en 1981 du Parti Socialiste, le PASOK d'Andreas Papandréou. Et beaucoup d'observateurs qui pensaient qu'il existait une sorte de complicité objective entre les socialistes et les terroristes. Et ils ont vu là une justification de leur thèse. Vous y croyez, vous? Pas trop, non. Mais les socialistes et ces révolutionnaires avaient quand même appartenu au même camp quand il s'était agi de lutter contre les colonels. Bien sûr, oui. Et on peut remarquer que le gouvernement socialiste ne montrera guère d'ardeur à lutter contre le terrorisme. Le terrorisme grec, proprement dit, mais aussi le terrorisme international. La Grèce a souvent été une sorte de terre d'asile pour les organisations terroristes arabes et kurdes, en particulier. Oui, les Kurdes à cause de l'hostilité traditionnelle entre Grecs et Turcs. Et les Arabes à cause de la situation géographique de la Grèce au cœur même du monde méditerranéen. Ouais. Et alors, vous avez parlé d'accalmie, mais après cette accalmie du début des années 80 Quelque chose change, à la fois dans les modes opératoires du mouvement, mais aussi dans le choix des cibles. Dès lors, on peut se poser la question, est-ce que de nouveaux hommes sont arrivés? Ou est-ce que le 17 novembre a noué des alliances douteuses? À moins qui n'ait été manipulé. C'est le journaliste Jean Guinel qui a révélé le premier le rôle de Libération dans cette affaire du 17 novembre. Et dans son livre « Libération, la biographie » paru à la Découverte, il raconte aussi cette anecdote, je le cite. « Si l'assassinat de Richard Welch avait fait question à Libération au point que le communiqué de revendication attendra un an pour être publié, c'est que le terrorisme est un vrai problème. Passons sur un épisode folklorique de l'année 1974. Un jour, se présentant comme Morvan, le responsable clandestin du FLB, Fonds de Libération de la Bretagne, un homme arrive rue de Lorraine. Il veut présenter la stratégie de son mouvement à Libération, dont il utilise secrètement les petites annonces, à l'insu bien sûr de la rédaction, pour recruter des militants. Un peu interloqués par la démarche, Serge Julie et Philippe Gavy sont désignés volontaires. Et les trois hommes se retrouvent un soir au domicile de Gavy. Morvan, militant ardent de l'indépendance de la Bretagne, tente de démontrer à ses interlocuteurs la valeur des plasticages et leur demande leur avis. Ces deux-là ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils ont trouvé le personnage bizarre et n'ont pas eu à se forcer beaucoup pour lui dire tout le mal qu'il pensait de telles actions et lui suggérer d'y renoncer. En réalité, Morvan, alias Serge Liégeard, n'avait rien d'un indépendantiste et tout d'un agent de la DST en mission d'infiltration provocation. Vous avez parlé de manipulation possible du 17 novembre, c'est bien ça? Bien sûr, oui. Et ce soupçon de manipulation n'était pas entièrement nouveau. On s'était par exemple interrogé sur le choix des premières cibles du 17 novembre. En supprimant par exemple des responsables de l'ancienne dictature, ne cherchait-on pas à faire taire des témoins essentiels? Des gens qui auraient pu parler. Exactement. Ouais. Et certains n'ont pas hésité à affirmer que c'était les services secrets grecs qui se trouvaient derrière le 17 novembre. Des services qui avaient beaucoup de choses à se reprocher. Oui, réaction sous la dictature. Naturellement. Ouais. Mais nous reviendrons sur ce sujet. C'est vers la fin 1983 que le 17 novembre refait parler de lui avec l'assassinat d'un capitaine de la marine états-unienne. Le mouvement entend ainsi protester, affirme-t-il, contre le renouvellement par le gouvernement grec de la mise à disposition de bases militaires à l'armée américaine. Puis, au début 1985, pour la première fois, le 17 novembre s'en prend à une personnalité grecque du monde de la presse. Qui ? Le propriétaire d'un journal conservateur. Les terroristes l'accusent d'être un agent de la CIA. Et quelques mois plus tard, le 17 novembre va encore passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire à l'occasion du 10e anniversaire du massacre du 17 novembre 1973, des manifestants se rassemblent devant l'ambassade américaine. La police intervient brutalement et un adolescent est tué. Alors que c'est toujours le Parti socialiste de Papandréou qui est au pouvoir. Oui, deux ans plus tard, pour commémorer cet événement et protester contre la violence policière, un millier d'étudiants d'extrême-gauche se barricadent dans l'école polytechnique d'Athènes. Papandréou ne veut rien savoir et menace d'utiliser la force. Et quelques jours plus tard, le mouvement du 17 novembre passe à l'action. Une voiture piégée, dont la charge est télécommandée, explose le long d'un autocar de la police anti-émeute. Près d'une quarantaine de policiers sont blessés. Et c'est la première fois que les révolutionnaires grecs utilisent une telle méthode. Une méthode qui indique qu'ils disposent désormais de matériel sophistiqué. Ouais. Ils ont donc passé à un stade supérieur. Certainement. Et ils le prouvent une nouvelle fois, en 1986, en déposant des bombes contre des bureaux des impôts. Alors cette fois, c'est l'appareil d'État qui est visé. Et les proches du pouvoir. Toujours la même année. Un ami personnel de Papandréou, un important industriel, est assassiné. Donc un symbole du capitalisme. Bien sûr. C'est alors le 10e assassinat politique du 17 novembre. Et on ne sait toujours pas qui sont ces hommes. Alors même qu'ailleurs, en Europe occidentale, les autorités ont mis fin aux actions de leur groupe armé issu du gauchisme. Alors, la Grèce reste une exception, c'est ça ? Une redoutable exception, oui. Et qui commence à préoccuper tous les services de renseignement occidentaux. Que ressemble bien qu'en cette deuxième moitié des années 80, la Grèce soit devenue une sorte de plaque tournante du terrorisme. C'est sur l'aérodrome d'Athènes qu'à deux reprises, des terroristes arabes s'attaquent à des avions et prennent leurs passagers en otage. Puis aussi l'attaque de ce bateau-là. Le City of Poros, c'est ça, oui. Il y aura 10 morts. Et pendant ce temps-là, le 17 novembre ne ralentit pas ses activités, bien au contraire. En un peu plus d'un an, il commet 6 assassinats. Qui ? Il y a un industriel de l'armement, des Américains, dont un nouvel officier de marine, et pour la première fois un Turc. C'est une donnée nouvelle. L'apparition d'une coloration nationaliste du 17 novembre. Et plus seulement marxiste. Oui, et ça se passe au moment où les relations entre la Grèce et la Turquie se dégradent. Alors, est-ce que ça veut dire que le mouvement est en train de changer ? Ça montre en tout cas qu'il obéit à plusieurs inspirations, au gré des événements. Autre chose, vous venez d'évoquer le terrorisme arabe très actif en Grèce. Mmh. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des liens entre ce terrorisme et le 17 novembre ? Ben, pourquoi pas ? On a vu déjà à plusieurs reprises que les organisations terroristes pouvaient à l'occasion s'épauler, échanger des informations, des hommes, des armes ou des techniques même. Surtout dans un pays où coexistent des activistes palestiniens, arméniens et kurdes. Or, justement, il arrive au 17 novembre d'utiliser des techniques de plus en plus élaborées. Un seul exemple, lors de l'assassinat de l'attaché naval américain, les terroristes grecs ont lancé une voiture piégée contre sa limousine blindée. Mmh. On a souvent prétendu qu'il existait une sorte d'international du terrorisme inspiré par les services secrets de l'Est. Non, là, j'y crois pas, non, vraiment. Toutefois, c'est vrai qu'il existait une convergence d'intérêts entre ces militants anti-impérialistes et ces services. Et il n'est pas exclu que le 17 novembre ou d'autres groupuscules grecs aient reçu de l'aide en provenance de l'Est. Oui, parce qu'il y avait d'autres groupuscules ? Oui, parce que je vous ai parlé du 17 novembre, qui était l'organisation terroriste la plus en vue, si j'ose dire. Mais il existait aussi l'ELA, la lutte révolutionnaire du peuple. Un groupe qui, au cours de ces mêmes années, s'est surtout manifesté par des attentats contre des bâtiments ou des biens matériels. Mais pas l'assassinat ? Si, mais beaucoup moins que le 17 novembre. Mm-hmm. Et il faudrait aussi évoquer toute une nébuleuse d'autres groupuscules violents, cellules révolutionnaires, combattants anarchistes, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait des liens entre toutes ces organisations ? Oh, bon, c'est très possible. Entre l'ELA et le 17 novembre, il existait certainement des passerelles. Des passerelles. Oui, ce qui accroissait encore un peu plus la confusion. Mais poursuivons sur le 17 novembre. À la fin des années 80, alors que la Grèce connaît un grave scandale financier dans lequel le nom de Papandréou est prononcé, le mouvement s'en prend aux hommes compromis, magistrats ou hommes politiques du PASOK. Mais la droite n'est pas épargnée. L'un de ses dirigeants les plus brillants, Bayokanis, est assassiné. En fait, c'est à une véritable stratégie de la terreur qu'on assiste. C'est-à-dire ça, comme en Italie Le 17 novembre, qui s'est emparé de grenades anti-chars volées dans une caserne, multiplie les assassinats et les attentats contre les bureaux de la multinationale Procter & Gamble, contre un armateur accusé de faire naviguer des bateaux pourris, contre des banques anglo-saxonnes ou les bureaux de la communauté européenne. Toute une série d'attaques exacerbées par la première guerre du Golfe. Parce que le 17 novembre est contre. Ah ben, naturellement. Et en 1991, un sergent de l'armée états-unienne est abattu à Athènes. Et ça continue comme ça tout au long des années 90. Le 17 novembre frappe tous azimuts. Mm-hmm. Ce serait fastidieux d'énumérer toutes ces actions armées. Mais certaines sont quand même très spectaculaires. Ainsi, l'attaque à la roquette contre le ministre des Finances, les assassinats d'un ancien gouverneur de la Banque centrale, d'un armateur, d'un diplomate turc, et aussi le tir raté d'un missile contre un porte-avions britannique, sans compter les multiples attentats contre les intérêts américains. Mm-hmm. Et alors, malgré tous ces attentats, là, toujours aucune piste ? Aucune, non. Aussi invraisemblable que cela paraisse. L'arrestation du leader kurde Öcalan, sans doute avec la complicité des services grecs, puis la campagne de bombardement de l'OTAN sur la Serbie, provoque de nouvelles réactions du 17 novembre. De nouveaux attentes ? Oui, des roquettes sont tirées sur des bâtiments abritant des sociétés anglo-saxonnes et même françaises. Enfin, j'en termine, si vous voulez bien. Mmh. En juin 2000, le général Saunders, attaché d'ambassade britannique à Athènes, est abattu par des tueurs en moto. Ce sera la dernière opération revendiquée par le 17 novembre. Et aussi, pour l'organisation terrorisme, le commencement de la fin. Pourquoi alors ? Eh bien parce que les autorités grecques, soumises à la pression des pays occidentaux, Grande-Bretagne, États-Unis essentiellement, vont enfin se décider à réagir. Et la traque va commencer. Le journaliste Renaud Girard a publié en décembre 2002 dans la revue des Deux Mondes un long article sur le mouvement du 17 novembre. J'en extrais ces lignes. Le 8 juin 2000 au matin, le général de brigade Saunders, attaché militaire britannique à Athènes, se rendait à son bureau au volant de sa Rover blanche à plaque banalisée. Alors qu'il était bloqué dans un embouteillage, deux hommes à moto tirent sur lui quatre coups de feu à bout portant avec un pistolet de calibre 45. Marié et père de deux filles, le général décède 3 heures plus tard à l'hôpital. Au même moment, le grand journal du soir, Elef Theorotypia, reçoit un très long texte dactylographié de revendications, plus d'une trentaine de feuillets, portant le cachet habituel de l'organisation, une étoile à 5 branches, frappée du sigle 17N, et fustigeant l'hypocrisie et le cynisme de l'ingérence britannique au Kosovo, ainsi que le bourrage de crâne, en français dans le texte, médiatique l'ayant précédé. La sollicitude britannique face aux épurations ethniques en ex-Yougoslavie est dénoncée par le rédacteur de la revendication comme hypocrite, car venant d'une puissance qui a laissé faire en 1974 l'invasion de la partie nord de l'île de Chypre par l'armée turque. Le premier ministre socialiste, Kostas Tsimidis, décide alors de faire du démantèlement du réseau terroriste la priorité numéro un de l'appareil d'État grec. Ça faisait longtemps que les pays occidentaux pressaient les autorités grecques d'agir contre le 17 novembre. À commencer bien sûr par les États-Unis, qui n'avaient jamais renoncé à retrouver les assassins de l'agent de la CIA, Richard Welch. Ils avaient même promis une récompense de 2 millions de dollars pour toute information sur le mouvement terroriste. Oui, c'était pas rien à l'époque. En effet, les Américains considéraient que le 17 novembre était le plus dangereux des groupes terroristes européens. Et il est vrai que le 17 novembre s'en était souvent pris à leurs représentants ou à leurs intérêts. Et ils étaient persuadés que les terroristes bénéficiaient de complicité au sein même du gouvernement socialiste. Un ancien patron de la CIA, James Woolsey, l'a même déclaré crûment en 2000 après l'assassinat du général Saunders. Il a dit à peu près ceci. « Je crois qu'il y a des personnes du gouvernement grec qui connaissent certains membres du 17 novembre. » Accusation excessivement grave. Et qui a forcément provoqué la fureur des autorités grecques. Mais à Athènes, on savait depuis longtemps que Washington considérait la Grèce comme un terreau du terrorisme. Dans le classement du département d'État américain, la Grèce était même placée derrière la Colombie. Tout dire. Effectivement. Toutefois, ça n'avait pas suffi à pousser le gouvernement grec à agir, c'est bien ça. Hein? Oui. Ce qui accrédite, entre parenthèses, les accusations américaines. En partie, oui. Mais permettez que je poursuive. Oui, oui. Je vous promets que je reviendrai sur ce point. L'assassinat du général britannique, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le verre, ou le vase, comme vous voulez. États-Unis et Grande-Bretagne exigent de la Grèce une véritable enquête et d'y être associés. Et pour arriver à leur fin, ils disposent d'un formidable moyen de pression. Quoi ? Les Jeux Olympiques. Ah oui. Les Américains sont très clairs. Si les autorités grecques ne bougent pas, leurs sportifs boycotteront les Jeux. Ouais, et puis les JO sans les Américains perdraient beaucoup de leur intérêt ? Bien entendu. Les Grecs sont donc au pied du mur. Et ils finissent par accepter que des équipes du FBI et de Scotland Yard viennent épauler leurs propres policiers. Ouais. Et ça change vraiment ? Pas tout de suite, non. Mais au début 2001, les enquêteurs commencent à progresser. À partir de quelques constatations très simples. Il y a d'abord la question de la première revendication. Le texte remis à Libération. Et également le deuxième texte envoyé par la Poste. En examinant ces deux documents, il apparaît que les terroristes connaissent bien la France. Sans doute même y ont-ils résidé à l'époque des colonels. Par conséquent, les enquêteurs se tournent vers la police française et demandent des renseignements sur les Grecs qui s'étaient réfugiés en France sous la dictature. Oui, ça semble logique, ça. Enfin, on peut même s'étonner qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Hein. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est essentiel. Ouais, pourquoi ? Parce que ça prouve que jusque-là, on n'a pas sérieusement cherché à enquêter ? Je le pense, oui. Les renseignements fournis par la France, ajoutés à des auditions d'anciens militants de la mouvance gauchiste, aboutissent à l'identification du responsable probable du 17 novembre. Qui ? Un certain Alexandre Giotopoulos, qui a longtemps résidé en France lorsque les colonels étaient au pouvoir à Athènes. C'est le fils d'un ancien secrétaire de Trotsky. D'après les tuyaux fournis par la police de notre pays, ce Giotopoulos a fréquenté des cercles maoïstes et des organisations hostiles aux militaires grecs. Puis en 1974, il est retourné dans son pays. Et ensuite ? Il a apparemment disparu de la circulation. Mais il est à peu près certain qu'il se trouve toujours en Grèce où il vit sous une fausse identité. Et donc, il est donc recherché. Oui, mais c'est une tâche presque impossible. C'est alors que les policiers vont bénéficier d'un véritable coup de chance. Un vrai coup de chance ? Bon, vous savez combien j'ai le hasard en horreur. Oui. Alors effectivement, je me pose des questions parce que les membres du 17 novembre narguent les autorités depuis un quart de siècle. Et là, soudain, 2 ans avant l'ouverture des Jeux Olympiques, la police va être en mesure de démanteler l'organisation terroriste. Avouez que ça tombe quand même vraiment bien. Ouais, bref, vous avez des doutes, quoi. On en aurait à moins, non ? Oui. Alors, ce coup de chance, là ? Fin juin 2002, une explosion retentit sur le port du Pirée. La police se précipite et trouve un homme grièvement blessé. Un nommé Savras Xyros. D'après les premières constatations, il transportait une bombe qui a explosé accidentellement. Ça, c'est assez crédible, non ? C'est pas la première fois qu'un terroriste est victime de sa propre bombe. Hein. C'est juste, mais enfin, voyons la suite. Il y a d'abord la découverte, pas très loin du blessé, d'un sac contenant 2 grenades et un pistolet. Une arme dont on apprendra un peu plus tard qu'elle a été volée à un policier, elle a déjà servi dans des attentats perpétrés par le 17 novembre. Premier fait bizarre, un terroriste sérieux, si je puis dire, ne s'embarrasse jamais d'une arme chaude. Oui, c'est-à-dire d'une arme qui a déjà été utilisée. Enfin, passons. Bref. Xyros, le blessé, est fils de Pop et peintre d'icônes. Interrogé sur son lit d'hôpital, il passe assez rapidement à table et commence à dénoncer ses complices. Des aveux spontanés ? Apparemment, oui. Mais il ne faut pas oublier que Xyros s'est grièvement blessé, sans doute soumis à un traitement médicamenteux. Enfin, bon, bref, quoi qu'il en soit, ces déclarations permettent à la police d'arrêter plusieurs membres du 17 novembre, dont les propres frères de Xyros. Deux planques du mouvement sont aussi découvertes. Des planques dans lesquelles les policiers retrouvent les roquettes volées, d'autres armes et le tampon de l'organisation. Ah, l'étoile à cinq branches, là. Oui, oui, oui. Et le chef présumé, ce Giotopoulos, là. D'après les indications données par Xyros, toujours selon la police, il est identifié comme étant un certain Michaelis. Et il est arrêté dans une île où il vit avec son épouse, un professeur d'origine française. Mmh. Ça, c'est donc un incontestable succès pour la police. Oui, ouais, l'opinion publique applaudit. La presse aussi, qui se déchaîne contre ces terroristes. Enfin, naturellement, les États-Unis et la Grande-Bretagne se réjouissent. Mais tout n'est pas aussi simple. D'abord, il y a le fait que Giotopoulos nie toute implication dans les attentats perpétrés par le 17 novembre. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Ensuite, il y a le fait que la police a ratissé très large et a arrêté des militants politiques qui, de toute évidence, n'ont rien à voir avec le 17 novembre. Ils sont d'ailleurs acquittés. Et tout cela donne malgré tout une impression de malaise. Mais pourquoi alors ? Bon, parce que les autorités grecques donnent le sentiment qu'elles considèrent tous ces militants qui ont lutté contre le régime des colonels comme les vrais inspirateurs du terrorisme. Oui, comme s'ils avaient été au fond coupables d'avoir mis en cause la dictature, quoi. Ensuite, il y a le profil de ces terroristes. Des artisans, un peintre, un syndicaliste. Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'on imaginait les redoutables terroristes d'un mouvement qui avait réussi à échapper à la police pendant plus de 25 ans. L'un d'eux, un des frères de Xyros, s'est même fait arrêter bêtement alors qu'il venait visiter son frère sur son lit d'hôpital. Oui, c'est un effet curieux, ça. Puis il y a le procès. Ouais. Une instruction bâclée en 6 mois. Ouais. Des accusations qui ne reposent bien souvent que sur des témoignages et sans preuves matérielles. Et au cours du procès lui-même, jugé par un tribunal d'exception, un grand nombre d'irrégularités. Bref, tout ça montre qu'on a voulu en terminer au plus vite. Oui, mais à cause des Jeux Olympiques. Évidemment, il fallait rassurer l'opinion internationale en lui montrant que le mouvement du 17 novembre avait été décapité. Les JO pouvaient donc se dérouler en toute tranquillité, car les accusés ont été condamnés à de très lourdes peines. La perpétuité pour la plupart. Mais les événements récents viennent de prouver que la menace terroriste existait toujours. Ouais, mais ce n'était que des petites bombes qui ont explosé au début du mois de mai. Sans doute, je ne veux pas jouer les prophètes du malheur, mais je ne peux m'empêcher de penser que des membres importants du 17 novembre se trouvent toujours dans la nature. On a relevé, par exemple, sur les objets saisis dans les planques, des empreintes digitales qui ne correspondaient à aucune de celles des personnes arrêtées. Et puis, il reste la question fondamentale, qui était loin d'être résolue. Et qui est ? Le mouvement du 17 novembre n'a-t-il pas été dévoyé ? Et sa signature n'a-t-elle pas servi à revendiquer des actions qui n'avaient rien à voir avec l'idéologie supposée du mouvement ? C'est-à-dire le combat révolutionnaire. Oui, et si tel est le cas, ces gens qui ont utilisé le 17 novembre courent toujours, et leur pouvoir de nuisance demeure intact. Pour finir, je laisse la parole à l'historien Christophe Chiclet, un des meilleurs connaisseurs de la Grèce, qui a écrit ceci dans Politique internationale de l'hiver 2002-2003. Obtenir des informations sur le passé des cibles et sur leurs faits et gestes n'est pas à la portée d'un simple petit groupe révolutionnaire, à moins que ce dernier ne bénéficie de fuites au plus haut niveau. Or, les 18 inculpés du 17 novembre apparaissent plutôt comme des pieds nickelés du terrorisme que comme des as du renseignement. Un peintre d'icônes, un chauffeur de bus, un instituteur, un ouvrier brasseur, un potier. 5 d'entre eux ont nié toute appartenance à l'organisation. Les autres ont reconnu les crimes qui leur sont reprochés, tout en dénonçant leurs co-inculpés. Une nouvelle loi prévoit en effet des allègements de peine pour tous les prévenus qui collaborent avec la police. Quant au cerveau maléfique de ce groupe si rusé qui a échappé pendant si longtemps à la sagacité des enquêteurs, ce n'est autre qu'un homme de 58 ans, fils d'un compagnon de Trotsky, étudiant grec contestataire dans le Paris de mai 1968, Alexandre Giotopoulos. Dans les services de renseignement européens, on a de sérieux doutes sur ce groupe, trop facilement démantelé pour être vrai. Certains se demandent s'il ne serait pas un paravent permettant de ne pas remonter jusqu'aux véritables organisateurs de ce système barbouzard.